Toujours en Corée du Sud, une nouvelle fraude sensationnelle fait l'objet de scandales dans la société. C'est que les autorités militaires ont détourné de gros fonds en profitant de l'achat de nouveaux haut-parleurs contre le Nord, nécessaires à la guerre psychologique. On prévoit de les disposer en supplément le long de la ligne de démarcation militaire afin de susciter la méfiance, l'hostilité, le désaccord et la confrontation entre le Nord et le Sud. Selon les données officielles, plus de 18 345 360 000 won d'impôts ont été investis à une dizaine d'endroits sur la ligne des démarcations militaires pour installer en supplément 40 nouveaux haut-parleurs. Les autorités militaires sud-coréennes qui aggravent les rapports intercoréens et fomentent l'hostilité fratricide parlent bruyamment de la menace et de la provocation du Nord dans le but de satisfaire les intérêts personnels et leur existence.